50 languages. 85. 85. أسئلة. صيغة الماضي الأولى. Question passé 1. Question passé 1. كم شربت؟ Combien en avez-vous bu? Combien en avez-vous bu? كم أنجزت من العمل؟ Combien d'heures avez-vous travaillé? Combien de temps avez-vous travaillé? كم كتبت؟ Avez-vous beaucoup écrit? Avez-vous beaucoup écrit? كيف نمت؟ Comment avez-vous dormi? Comment avez-vous dormi? كيف اجتزت الامتحان؟ Comment avez-vous passé l'examen? Comment avez-vous passé l'examen? كيف عثرت على الطريق؟ Comment avez-vous trouvé le chemin? Comment avez-vous trouvé le chemin? مع من تكلمت؟ Avec qui avez-vous parlé? Avec qui avez-vous parlé? مع من تواعدت؟ Avec qui avez-vous pris un rendez-vous? Avec qui avez-vous pris un rendez-vous? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire? Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire? أين كنت؟ Où êtes-vous allé? Où êtes-vous allé? أين كنت تعيش؟ Où avez-vous habité? Où avez-vous habité? أين كنت تشتغل؟ Où avez-vous travaillé? Où avez-vous travaillé? بما نصحت؟ Qu'avez-vous recommandé? Qu'avez-vous recommandé? ماذا أكلت؟ Qu'avez-vous mangé? Qu'avez-vous mangé? ماذا تعلمت؟ Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris? كم كانت سرعتك وأنت تقود؟ À quelle vitesse avez-vous conduit? À quelle vitesse avez-vous conduit? كم دام الطيران؟ Combien de temps avez-vous volé? Combien de temps avez-vous volé? إلى أي علو قفزت؟ À quelle hauteur avez-vous sauté? À quelle hauteur avez-vous sauté?